Chapitre 9e. Camille toussait toujours. L'ovale de son beau visage s'était allongé sous l'effort de cette passion sans cesse débordante et sans cesse contenue. Ses cheveux magnifiques jetaient une ombre plus prononcée sur ses tempes amaigries, et ses joues, de plus en plus pâles, se nuançaient le soir d'une rougeur plus vive. Claire avait grand pitié d'elle. Son aigreur mal déguisée, les épigrammes qui tombaient impitoyablement sur les moindres erreurs de la jeune femme, les paroles acerbes qui récompensaient le plus souvent les prévenances de l'amitié désintéressée, tout cela n'avait pu lasser son indulgence. Claire était bonne par tempérament. Il lui plaisait de voir les visages souriants autour d'elle. Elle aimait à donner, elle aimait à bien faire. Le devoir qu'elle ne parait d'aucun nom, dont elle ne se préoccupait jamais, dont elle parlait moins encore, lui venait naturellement comme les roses au rosier, et elle l'accomplissait sans effort, non sans travail, car sur notre planète laborieuse, rien ne se fait sans peine. Elle travaillait gaiement, silencieusement, sans le savoir elle-même, au bien de tous et de chacun. C'était de bonnes paroles, de bonnes actions données dans un sourire, accomplies sans forfanterie, et ce faisceau de bonnes œuvres se formait si simplement autour d'elle que sa stature n'y gagnait pas un pouce. Beaucoup qui n'en font pas tant s'exhaussent sur un piédestal aux yeux de leurs contemporains. Claire n'était connue de personne. Sa charité discrète n'était pas même appréciée de ceux qui en étaient l'objet, et parmi les bonnes qu'elle avait renvoyées, pas une ne s'était aperçue que madame allait en omnibus au lieu de prendre des voitures, uniquement dans le but de donner de meilleurs vins à l'office. Où Camille eût-elle appris à connaître cette bienfaisance muette? Son ostentation de vertu ne l'avait pas préparée à de tels renoncements. En effet, la première récompense de ceux qui font le bien n'est-elle pas la satisfaction même du devoir accompli? Claire ignorait cette satisfaction. Son devoir accompli la laissait préoccupée de l'avenir, car où s'arrête le devoir? Quand est-il jamais accompli? Et celui-là même qui tout le jour travaille au bien de ses semblables, peut-il jamais s'endormir en se disant « Je n'ai plus rien à faire » si vraiment il est dévoré de la soif, du bienfait? Aussi Claire songeait-elle toujours au lendemain, à la semaine suivante, à l'année prochaine, à ceux qui n'avaient point été secourus, à celle qui avait perdu un être cher et qui attendait une lettre, au compte non réglé que le fournisseur attendait peut-être pour payer une dette, à la visiteuse humble et craintive qui ne l'avait point trouvée ou n'avait osé présenter sa requête nécessiteuse. C'est à ceux-là qu'elle songeait, et non à ceux qu'elle avait secourus et consolés. C'est pour cela qu'elle ne portait point sur son visage l'expression satisfaite qui rendait Camille si triomphante, et qui malgré tout paraissait encore le plus souvent sur le visage de la jeune fille. Claire prenait en patience les dédains de son amie, ses rebuffades et ses remontrances. Camille est malade, se disait-elle. Malade et malheureuse. Cette raison suffisait à tout excuser. Cependant, elle souffrait parfois, et peu à peu cette souffrance passa à l'état chronique. Elle en vint à craindre les visites de son amie, exactement comme on craint la migraine qu'on sent venir, mais elle ne songea pas plus à s'y soustraire qu'à l'inévitable fléau. Camille lui faisait faire ses emplettes, ses courses, parfois lointaines, sous ce prétexte spécieux « Toi qui n'as rien à faire ». Et sans murmurer, Madame Bricard allait chez le marchand de musique, au magasin de nouveautés, chez le dégraisseur, chez la fleuriste, et le plus souvent, songeant que Camille était pauvre et son travail pénible, elle diminuait le prix payé par elle, afin d'alléger la dépense de son amie. Que lui importait à elle un louis de plus ou de moins? Ses menus plaisirs, ses petites fantaisies de toilette en souffraient seules, et Camille prendrait quelques heures de loisir de plus au moment des vacances. Elle se laissait faire ainsi, non par faiblesse, mais par bonté. Elle voyait bien Camille la reléguer à l'écart dans ses conversations avec Paul. Elle se sentait pourtant capable d'y participer de tout son bon sens, de son intelligence éveillée, de son esprit juste et droit. Mais Camille était bien malade et il ne fallait pas la contrarier. L'automne était venu avec ses pluies et ses tempêtes. Mademoiselle Froger continuait à venir le soir. Plus d'une fois, elle était arrivée mouillée de la tête aux pieds et riant de sa déconvenue, car depuis quelque temps, elle riait beaucoup, plus fort et plus haut que jamais. Claire eût pu lui représenter que sa robe mouillée tachait les jolis fauteuils café et or, et que ses bottines boueuses laissaient leur empreinte sur le tapis blanc et havane du salon. Elle n'en fit rien, et se borna désormais à rester dans la salle à manger, dont l'ameublement moins délicat ne redoutait pas autant les atteintes de l'eau et de la boue. « Ah, tu as fermé ton salon ?» lui dit Camille le jour même de cette innovation. « Par raison d'économie, sans doute ?»« En effet, vous devez dépenser des sommes folles pour chauffer tout cet appartement. Tu as bien fait, ma bonne amie, j'approuve ces réformes. » Claire, on ne sait pourquoi, se sentit blessée. Était-ce l'approbation de Camille ou le blâme implicite pour le temps où elle ne fermait pas le salon qui avait froissé quelques fibres ? Elle ne chercha pas à le savoir, mais sa nature honnête ne put le supporter. « Ce n'est pas pour économiser le chauffage, » répondit-elle. « Chez nous, le salon doit toujours être chauffé, car il nous vient des visiteurs que je ne puis recevoir que là. Mais c'est une raison de propreté, il fait trop sale dehors. » « C'est pour moi que tu dis cela ?» répliqua Camille avec son tact ordinaire. « Tu aurais dû me le dire au lieu de me le faire sentir. » Paul Brécard se leva silencieusement, prit la lampe et l'emporta dans le salon. Il sonna violemment et dit à la bonne effarée « Du bois au feu !» Puis il s'assit et se mit à tisonner. Les deux jeunes femmes, se trouvant dans l'obscurité, l'avaient suivi. « Je suis désolé, monsieur Paul, » commença Camille, « que vous ayez pris au sérieux une innocente plaisanterie. »« Ne vous excusez pas, mademoiselle, » interrompit Brécard, « c'est Claire qui a eu tort. » Cette parole de blâme directe, la première que Brécard eût jamais adressée à sa femme, tomba au milieu d'un silence glacial. Claire, sentant un flot de larmes sanglantes jaillir sous cette injure imméritée, baissa la tête pour les dévorer en silence et la fermer les rideaux des fenêtres. La pluie battait les vitres et elle s'aperçut que les volets n'étaient pas fermés. Elle ouvrit une fenêtre pour réparer cette négligence et aussitôt un courant glacé pénétra dans la chambre, faisant trembler la lumière de la lampe. Camille toussa et Paul impatienté s'écria « Tu veux donc nous faire mourir de froid, Claire ? Finissons-en !» La jeune femme se hâta d'assujettir le volet et de refermer la fenêtre, mais elle ne tenta point la même opération à l'autre croisée. Elle prit son ouvrage resté sur la table de la salle à manger et revint s'asseoir près de la lampe. La bonne apportait du bois et le feu monta rapidement dans la cheminée. Paul ne disait plus rien. Camille entama une de ces conversations à bâton rompu dont elle savait si bien éliminer son amie. Mais elle n'eut pas la peine de changer de discours à cause d'elle, car Claire n'ouvrit pas la bouche. 10 heures sonnèrent. Mademoiselle Froget se leva et Paul se leva au même moment. « Bonsoir, Claire, » dit Camille en tendant la main à son amie. « Bonsoir, » répondit doucement celle-ci en se laissant presser le bout des doigts. Ils sortirent ensemble et la jeune femme, restée seule, se leva, fit 2 fois le tour du salon, puis s'apercevant que les volets de la seconde fenêtre n'étaient pas fermés, elle l'ouvrit pour remplir ce devoir. Le vent chassait la pluie à flots glacés. Elle frissonna et regarda dans la rue. La pensée que son mari se trouvait dehors par ce temps affreux lui causait une peine amère. Elle eût voulu le sentir près d'elle, à l'abri tiède de ce foyer qu'elle avait créé pour lui, pour qu'il y fût heureux. Elle resta là un moment, triste et glacée par la bise, mais trouvant une âpre satisfaction à souffrir du froid, comme il en souffrait à cet instant même. « Il ne devrait pas sortir par un temps pareil, » se dit-elle. « C'est bon pour cette folle de Camille de courir les rues. Elle n'a ni enfant ni mari, qu'importe sa vie inutile, mais celle de Paul. » Claire se reprocha sur-le-champ cette pensée peu charitable. Elle se hâta de fermer la fenêtre et de tirer les rideaux. Puis elle revint s'asseoir devant la cheminée où brûlait un grand amas de braise, produit des bûches fiévreusement entassées par Paul dans sa colère. 1000 pensées douloureuses flottaient dans son esprit, se chassant et se rappelant l'une l'autre tour à tour. Pour la première fois depuis leur mariage, son mari lui avait parlé durement. L'humiliation, en toutes circonstances, eût été pénible à la jeune femme, mais en présence d'un tiers, en présence de Camille, dont la conduite à son égard témoignait depuis longtemps d'un dédain indifférent, quand ce n'était pas du blâme direct, c'était plus pénible encore. Elle se rappela alors 1000 phrases de Camille qui avait dû blesser son mari, toujours si soucieux de l'approbation d'autrui, si prudent à éviter tout ce qui pouvait lui attirer l'ombre d'un blâme ou d'un reproche, même muet. Paul avait dû sentir l'ironie de certaines phrases adressées à sa femme, de certains rires moqueurs, de certains éloges que le ton dont ils étaient prononcés rendait un blâme cruel. Ces petites choses, jusqu'alors inaperçues, prenaient une importance étrange aux yeux de Claire, pendant que, triste et découragée, elle regardait la braise se couvrir peu à peu d'une couche de cendre mince et fine que le moindre souffle faisait emboler. 11 heures sonnèrent. Claire tressaillit. Il ne fallait pas 1 heure pour aller à la maison de Camille et pour revenir. Paul tardait bien longtemps. La pluie redoubla de violence et une rafale chassa, de la cheminée dans le salon, d'innombrables flocons de cendre blanche et comme veloutés. Claire se leva et se mit à marcher lentement, tournant instinctivement la tête toutes les fois qu'elle se rapprochait de l'antichambre. Oui, son bonheur avait diminué depuis l'été dernier. Paris ne lui avait pas porté chance. Cette installation qui lui paraissait autrefois dans sa vie comme l'air d'un nouveau bonheur lui avait apporté plus de soucis que de joie. Elle promena son regard plein de larmes contenues dans ce joli salon, dont chaque meuble avait été pour elle l'occasion d'une fête intime. Celui-ci lui avait été donné par son mari lors de son anniversaire. Cet autre avait été acheté après une longue consultation avec la petite bourse de Claire et n'aurait pu faire son entrée dans la maison sans les pièces d'or que Paul, témoin des hésitations de sa femme, avait prises dans le tiroir de ses menus plaisirs et laissées tomber dans ce petit porte-monnaie alors peu garni. Que de douces émotions! Ah, Camille avait beau dire! Il y avait dans ces meubles, si encombrants quand on déménage, autre chose que des morceaux de bois et d'étoffe. Il y avait des souvenirs sacrés, il y avait une part de son mari et d'elle-même. La pendule marquait 11h15. Très inquiète, Claire s'arrêta brusquement devant la porte, les mains jointes, se demandant si quelque grand malheur n'allait pas fondre sur elle. La clé cria dans la serrure du dehors. Paul entra et referma la porte avec son soin habituel. Sa femme, prête à s'élancer vers lui, arrêta son mouvement involontaire. Il entra, pâle, visiblement fatigué. Ses vêtements humides formaient sur lui des plis lourds. Il s'approcha du feu, présenta au brasier ses pieds mouillés et frissonna 2 ou 3 fois. « Tu as eu froid ?» lui demanda Claire, en proie à une inquiétude inexplicable. « Oui. » Il s'assit d'un air accablé, passa la main sur son front et se laissa aller dans le fauteuil. Sa femme voulait lui ôter son paletot. Il la repoussa doucement de la main en lui disant « Attends un peu. »« Tu reviens bien tard ?» lui dit Claire en hésitant. Elle ne voulait pas avoir l'air de lui faire un reproche, et cependant tout son être intérieur, agité de 1000 craintes, la poussait à une question. « Je me suis arrêté à causer avec Camille devant sa porte, et j'ai eu froid en revenant, » répondit-il de son air accablé. Camille, qui tousse si fort, aurait dû montrer plus de prudence, dit Claire, mécontente et blessée. Elle est invulnérable, comme tous ceux qui sont très malades. Or, leur maladie, rien ne peut les atteindre. Il frissonna encore et ferma les yeux. Je ne suis pas invulnérable, moi, dit-il avec un demi-sourire. Il faisait trop chaud ici, j'ai eu trop froid dehors. Je crains d'avoir attrapé un gros rhume. Il referma les yeux qu'il avait ouverts un instant, et posa sa tête lourde et douloureuse sur le dossier du fauteuil. Claire le regardait avec une angoisse inexprimable. Il lui semblait sentir l'épée de Damoclès suspendue au-dessus d'elle, et le fil qui la retenait était si ténu, si ténu. « Viens te coucher, » dit-elle à son mari avec une douceur si maternelle et si résignée dans le geste et dans la voix, que Camille elle-même, la prude Camille, n'eut pas trouvé à y reprendre. Il se leva, non sans peine, essaya de s'étirer et n'y put parvenir. « Je suis moulu, » dit-il. « Il me semble que j'ai la fièvre. » Chancelant, comme ivre, il se dirigea vers sa chambre à coucher. Claire le suivait, les bras étendus, prête à le retenir s'il tombait, et son pauvre cœur ne ressentait plus qu'une indicible tendresse pour cet être adoré, frappé si soudainement dans sa jeunesse et dans sa force. Il atteignit le lit et s'assit sur la couverture. Elle s'approcha et se mit à le déshabiller lentement avec précaution. Il ne disait rien et se laissait faire. Comme un enfant, elle lui ôta ses bottines, dont le cuir était imprégné d'eau, puis ses chaussettes et souffla sur ses pieds glacés pour les réchauffer de son haleine. Puis elle lui mit la tête sur l'oreiller et ramena sur lui la couverture de soie. « J'ai froid, bien froid, » répéta-t-il 2-3 fois. Elle mit sur lui l'édredon, puis un châle, puis le tapis de la table débarrassé là des objets qui l'encombraient. Il restait immobile, les yeux à demi clos, et elle entendait ses dents heurter bruyamment les unes contre les autres. Elle eut une idée, alla dans la cuisine, ralluma le gaz sans appeler l'abonné endormi au 6e, et fit chauffer de l'eau. Au bout d'un moment, elle revint auprès du lit. Toujours silencieux et les yeux mornes, Paul grelottait sous l'amas de couverture. Alors elle fit un grand feu dans la cheminée, soulevant et entassant les lourdes bûches qui ne lui pesaient pas plus qu'une plume en ce moment. Elle retourna à la cuisine et revint à la hâte avec un bol plein d'eau bouillante où, inspirée par son instinct qui lui servait de science, elle avait versé un demi-verre de rhum bien sucré. « Bois, » dit-elle à son mari, toujours inerte. Il avait peine à se soulever. Elle passa son bras derrière l'oreiller et lui fit avaler le breuvage brûlant. Il retomba avec un soupir de satisfaction et resta silencieux. Elle le regardait, le cœur pris d'une pitié sans bornes et déchiré des plus terribles craintes. « En as-tu encore ?» dit-il au bout d'un moment. « C'était bon, cela me réchauffe. » Elle prépara un second bol. Le feu dansait sur les tentures soyeuses avec de grands jets de flammes et des ombres soudaines très noires. La veilleuse brûlait tranquillement, et bébé, endormi, poussait de temps en temps un soupir dans la béatitude de son sommeil. Elle se demanda avec un effroi subit ce qu'elle ferait si elle perdait son mari. La chambre déserte, le parvis tendu de noir, le luminaire des funérailles se présentèrent devant elle avec une précision effrayante. « Non, non !» pensa-t-elle avec une énergie surhumaine. « Il ne mourra pas, cela ne se peut pas, je ne le veux pas !» De sa main raffermie, car sa résolution venait d'anéantir ses terreurs, elle lui donna à boire une seconde fois. Comme elle retirait le bol, il retint cette main maternelle si compatissante et la baisa longuement. Elle se pencha sur lui et sentit une légère moiteur perler sur son front. « J'ai chaud, » lui dit-il tout bas au bout d'un moment. « C'est bon. » Elle sourit. La pensée qu'elle le sauverait lui donnait une sécurité profonde. « Tu ne te couches pas ?» dit-il ensuite d'une voix endormie. « J'ai sommeil. Tout à l'heure, » répondit-elle. « Dors. » La respiration s'égalisait. Il semblait dormir déjà quand, un sursaut le réveillant, il vit sa douce femme debout auprès de lui qui le regardait avec ses yeux pleins de bonté et d'amour. « Claire, » lui dit-il d'une voix presque insensible, « tu es bonne, je t'aime. » Et il s'endormit. Quand elle se fut assurée qu'il reposait et que la moiteur continuait à perler sur sa peau réchauffée, elle jeta un manteau sur ses épaules, courut réveiller la bonne, lui donna l'adresse d'un médecin voisin et revint à la hâte. Tout était tranquille. Le père et le fils semblaient dormir du même sommeil, mais le visage de Paul était traversé de temps en temps par de pénibles mouvements. Sa respiration était courte, la peau redevenait sèche. Claire s'assit au pied du lit, soignant le feu et pensant uniquement aux soins matériels qu'allait exiger cet accident. Attirant à elle son petit buvard, elle écrivit que son mari tombé malade ne pourrait pas faire son cours ce jour-là. Elle donna par écrit une série d'ordres qui devaient lui assurer le calme jusqu'au lendemain et pria une de ses amies de venir chercher le petit garçon pour lui éviter tout danger en cas de contagion. Comme elle cachetait sa dernière lettre, le ciel s'éclaircissait et le docteur entra. C'était un bon médecin et un brave homme qui avait déjà soigné quelques indispositions de Félix et qui aimait ce jeune ménage. Il éveilla le malade, l'ausculta, l'interrogea et enfin se tourna vers Claire avec un visage calme qui inspirait la confiance. « C'est une fluxion de poitrine, » dit-il, « mais soyez sans crainte, vous l'avez soigné dès le début d'une manière intelligente, chère madame. Ce ne sera rien du tout. Votre femme vous a sauvé, monsieur Brécard. Sans les soins de cette nuit, je ne sais pas jusqu'où cela aurait pu vous mener. » « Ma femme est un ange, » répondit Paul en regardant Claire. « Elle est un ange et moi, je suis un imbécile. »